Le taxi, c'est cher et l'autostop, c'est aléatoire. Le covoiturage, c'est économique, écologique et sûr. Il permet de faire un trajet commun avec des passagers connus ou inconnus dans une seule voiture. Cette pratique permet aux passagers et aux conducteurs de partager les frais de déplacement, d'économiser des dépenses de carburant, de partager le volant sur de longues distances, de participer à la diminution des embouteillages, des accidents de la route et de la pollution. Le covoiturage est d'autant plus pratiqué lors des pics de pollution et lorsque le prix du carburant augmente. Réponse A et C.